بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل devant sous la main une noble risala de son éminence Cheikh Rabi' bin Hadi عمير المدخلي حفظه الله تعالى، دو لو تيتر بيان ما في نصيحة إبراهيم الرحيل من الخلل والإخلال، دو لو تيتر اي l'éclaircissement sur les lacunes et les failles qu'il y a dans la nasiha de Cheikh Ibrahim al-Ruhayli. Et cette risala a été éditée il y a à peine un mois maintenant. C'est la première édition, hein, il y a à peine un mois, 2012 ici. Et il a été édité par la maison d'édition Al-Mirat Nabawi, l'héritage prophétique. Et c'est la seule édition qui a les droits d'auteur concernant les écrits de Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala depuis peu de temps. Pourquoi la traduction de cette risala? Tout simplement pour accomplir un des devoirs, qui est le devoir du conseil pour les frères et pour les sœurs, et pour que la voix des pieux prédécesseurs ne devienne claire devant nous, et pour qu'on sache, hein, les situations qui se présentent à nous maintenant, hein, et qu'on se rappelle que chaque jour on dit dans notre prière Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Et la voie de ceux qui l'a comblé de ses bienfaits, c'est la voie, comme il est dit dans surat Nisa, c'est la voie des prophètes, des véridiques, des martyrs, des vertueux. Et les prophètes avaient une science avec. Ils avaient le discernement entre le bien et le mal. Ils ont refuté le mal. Les véridiques qui ont cru en eux et qui les ont suivis ont fait de même. Ainsi que les martyrs, ainsi que les vertueux. Donc nous sommes que sur la voie de nos pieux prédécesseurs, Ridwanullah alayhim. Et pour que, frère en Allah, Azza wa Jal, ces répliques, c'est une science en soi. Et pour que notre connaissance augmente de cette voie, et que notre connaissance de la voie des pieux prédécesseurs, ça s'enracine et s'approfondit, et pour que les frères et les sœurs sachent d'où s'immisce le mal, d'où vient le mal. Hudayfa radiallahu anhu arda, qui est un noble compagnon de Allah alayhim, disait: les gens posaient des questions à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, et moi je le questionnais sur le mal pour ne pas y tomber. Et aussi ces répliques fait d'aller les chercher et de les lire, de les comprendre. Mais l'union du rond des salafis, en particulier des musulmans en général, les unir sur quoi? Sur la vérité. Car les innovations et les ambiguïtés divisent et déchirent la communauté. Hein? Et avant de commencer, écoutez cette réponse qu'il a donnée Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le firdaus al-a'la. a une ambiguïté qui dit étudiez, étudiez, car parler sur les égarés empêche-les d'étudier. Cher, rahmatullah alayhi, on lui posa la question suivante, le Dieu il existe, que dites-vous de quelqu'un qui dit n'informe pas sur le cas d'Al-Mghraoui, un jeune ignorant de sa religion. Ne l'occupe pas avec cela car il faut qu'il s'instruise jusqu'à ce qu'il soit un bon pratiquant. La réponse de Cheikh Rahmatullah Alayh, il faut que les jeunes soient conseillés. Il faut qu'ils soient avertis de prendre garde aux innovateurs, qu'on leur dise faites attention à un tel et un tel, jusqu'à ce qu'ils prennent garde à eux et à leurs paroles, car écouter leurs propos peut les influencer. Certes, les salafs mettaient en garde les jeunes contre les innovateurs et leurs propos. L'imam Muslim, rahimahullah, a rapporté dans son introduction Sahih Muslim une parole qui va dans ce sens. Une deuxième question fut posée à son éminence, Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, barakallahu fikum, certains jeunes malheureusement ignorent le cas de ceux qui ont dévié à tel point que certains d'entre eux n'acceptent pas les cassettes de réplique ou refusent de prêter attention à ce sujet en disant étudiez, étudiez, car parler sur les égarés empêche d'étudier. La réponse de son éminence, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le Firdaus al-A'la, celui qui dit cela est un ignorant. Connaître les gens de l'innovation fait partie de la demande de la science. Fait partie de la demande de la science. Le fait de connaître les gens de l'innovation et de prendre garde à eux. Une autre question va dans le même sens. Jazakallahu khairan. En conclusion, comment se comporter avec certains frères salafis qui n'encouragent pas les jeunes à écouter les cassettes de répliques ou ceux qui ne les informent pas sur le cas de ceux qui ont dévié? Et s'ils persistent sur cela, quelle doit être notre position vis-à-vis d'eux? La réponse de son éminence, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde et qu'il lui donne le Firdaus al-A'la, par Allah, sur ce genre de personnes, les salafs disaient, si tu vois une personne défendre les innovateurs et qui n'aime pas que l'on parle sur eux, alors mets-le avec eux. Mets-le avec eux. Voilà comment disaient les premiers prédécesseurs, ils disaient, si tu vois une personne défendre les innovateurs et qui n'aime pas que l'on parle sur eux, alors mets-le avec eux. Et sache, frère en Allah, Azzawajal, comme l'a détaillé Cheikh Ubayd, Hafidhahullah ta'ala, à maintes reprises, que devant les répliques, on se trouve trois catégories de personnes. La première, c'est celles qui font H24, ils ne font que ça. Ils délaissent la demande de science, ceux-là, les hommes de science les arrêtent. Ils les tapent sur les doigts. Ils leur disent, vous vous êtes trompés de chemin. Il faut que vous alliez entre eux la science bénéfique et aussi la science de savoir ce qui est sur le terrain. Deuxièmement, une deuxième catégorie de personnes dans les répliques, c'est celle qui apprend sa science et en même temps, il est au courant et il s'informe de ce qui est sur le terrain. Pour ne pas tomber dans le mal et pour ne pas dévier. Hada, les hommes de science l'encouragent et l'épaule, parce que il est dans la bonne voie. Une troisième catégorie de personnes, il apprend, il se préoccupe pas de ce qui est sur le terrain. Hada, les hommes de science, comme il l'a dit Cheikh Ubayd Hafidhahullah Ta'ala, il faut lui apporter les informations de ce qui est sur le terrain, pour qu'ils ne tombent pas dans les girons de ceux qui ont dévié. Barakallahu fikum. Donc ceci, il faut le comprendre. Et les hommes de science ont cité ceux qui n'ont pas le droit de s'occuper de la réfutation, de faire le jarh. Cheikh Cheikh Mouqbel, dans Gharat al-Ashrita, le tome 1 à la page 73, on lui a posé la question: « وَمَنِ الَّذِي يَقُومُ بِالْجَرْحِ وَالْتَعْدِيلِ ?» يقول رحمه الله: إنه العالم البصير الذي يخاف الله وليس كل أحد يتصدر للجرح والتعديل. الشيخ مقبل رحمة الله عليه lui posa cette question: qui accomplit la réfutation et l'éloge? Il a dit: c'est l'homme de science, doué de clairvoyance et qui a la science, qui craint Allah, et ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre de faire la réfutation et l'éloge. Na'am akhal Islam, cette spécialité, il a ses hommes. Il a les hommes qui ont son dîne. Hein? À toutes les époques, comme à notre époque. Certes, pas tout un chacun qui veut répliquer, qui veut faire du jarh et faire des éloges. La porte lui est ouverte pour réfuter, pour faire des répliques, etc. Non, abadan. Et parmi les personnes que les hommes de science disent comme quoi ils ne doivent pas s'occuper de tout ça, ni s'y immiscer, vient en premier les gens de l'innovation. Car la situation des gens de l'innovation, c'est l'ignorance et le fait de suivre les passions. Et c'est le sectarisme aveugle. Et fait partie de ça, c'est qu'en plus de ça, il dénigre celui qui est en divergence avec leur ignorance et avec leur passion. C'est pour ça que les hommes de science n'acceptent pas les paroles et les dégrenés, les paroles des Khawarij concernant les musulmans, concernant les nobles compagnons du prophète alayhi salam, tel Ali, tel Muawiya. Parce que c'est des innovateurs. Comment accepter leurs paroles sur les dînes de la communauté tels que Ali et Muawiya radhiallahu alayhim et dans les autres, souches de la communauté. Et c'est pour ça que les paroles, les mauvaises paroles et dénigrements d'Yarrawafid concernant les nobles compagnons et les hommes de science après eux n'est pas accepté non plus. Pourquoi? Parce que c'est des grands innovateurs. Et c'est pour ça que les paroles de Ahmed ibn Abi de Had concernant l'imam Ahmed n'est pas accepté. Pourquoi? Parce que Ahmed ibn Abi de Had, c'est lui qui est derrière l'idée de faire, hein, et qui a fait gober au gouverneur des Omeyyades, des Abbasides, hein, le fait de dire que le Coran, il est créé. Donc, sa parole et sa critique concernant l'imam Ahmed, il ne vaut aucun sou. C'est un innovateur en soi lui-même. Et ça, je crois que c'est une porte qui est claire. Il en est de même. Est-ce qu'on va accepter maintenant les paroles d'Al-Qardawi concernant une imminence de science? C'est la vie. Abadan. Comme on ne peut pas accepter les paroles de Ali Hassan, ainsi qu'Abou Fitan Abou Hassan, ainsi que le Mghraoui, ainsi toutes ces tendances, hein, on ne peut pas accepter leurs paroles, et leurs paroles n'est pas avenante concernant l'imam de la réfutation et de l'éloge qui est Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, ou Cheikh Ubayd, ou Cheikh, hein. On est de même, on ne peut pas accepter les paroles de Cheikh Abdul Malik Ramadani concernant Cheikh Rabi et d'autres, car il est l'un des alliés de l'Halabi. Il le dit lui-même. Il le dit lui-même. La même chose à l'islam, le commun ne doit pas s'occuper à faire des rodobes. Parce que le commun, il n'a pas de science déjà concernant les obligations de ces 24 heures. Comment il peut avoir la science minutieuse, cette science minutieuse et très fine, hein, qui est la science de la réfutation et de l'éloge? La même chose, le demandeur de science, qui n'est pas ancré dans la science, qui vient de débuter, Cheikh Mokbel, il lui donne ce conseil dans Gharat al-Ashrita. Ne t'occupe pas avec les répliques. Hein, c'est-à-dire les répliques concernant les innovateurs. Tu es un demandeur, c'est-à-dire un demandeur de science qui a besoin de prendre des provisions de science. Et si tu t'occupes à faire des répliques, ça va te détourner du fait de mémoriser le Coran et d'avoir la science bénéfique. Ça lui donne le conseil, lui dit, à court, il va complètement vers la demande de la science bénéfique. Ceci dans Gharat al-Ashrita. Et bien sûr, il est passé avec nous, comment Cheikh Obaid nous a détaillé cette situation. C'est-à-dire que le demandeur de science, qui ne fait que ça, il est évident que les hommes de science vont lui taper sur la main. Et s'il a lié entre les deux, il l'encourage. Et Cheikh Mohamed l'Imam, rahimahullah ta'ala, dans son livre Tanbih al-Hassan, il nous donne des repères pour faire la différence entre les hommes de science et ceux qui essayent de les imiter. Et ça, c'est très important. Regarde dans le livre Tanbih al-Hassan à la page 41. Faire la différence est très important pour mettre tout un chacun à sa place. Et pour revenir aux hommes de science au moment de la fitna. Et ceux qui veulent ressembler aux hommes de science qui ne sont pas des hommes de science, essayent de couper le chemin qui mène vers les hommes de science. Et à toute époque, il y a des gens, les gens souffrent de cette catégorie. Et il y a beaucoup de textes relatés dans la biographie des dans les écrits des hommes de science qui nous montrent. Et ils rapportent la parole de Shawkani rahimahullah. Dans la biographie de Ali ibn Qasim Hansh, il dit, rahimahullah, parmi les belles paroles que j'ai entendues de lui, il a dit, les gens sont trois catégories. La plus haute des catégories, il dit, les grands hommes de science, qui connaissent la vérité, et qui connaissent le faux. Et quand ils tombent en divergence entre eux, de leur divergence ne naît pas une fitna. Car ils savent ce que les uns et les autres ils ont. Et ceci est très clair. Tu regardes comment ils étaient les nobles compagnons d'Allah alayhim. Même quand ils ont une divergence avec eux, ça ne crée pas la fitna. Il y avait du respect avec eux et entre eux et de la fraternité. Et la catégorie la plus basse, c'est elle qui œuvre avec sa fitra, avec la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait exister. Il ne fuit pas de la vérité et ils suivent tout un chacun qu'ils prennent comme modèle. S'il est dans la vérité, ils vont être comme lui. S'il est dans le faux, ils vont être comme lui. Et la catégorie du milieu, c'est elle l'origine du mal. C'est elle l'origine du mal et de la fitna dans la religion. Ceux qui n'ont pas la science, donc ils ne sont pas arrivés avec la science au degré à l'étage des grands, ils n'ont pas délaissé la science pour être comme ceux qui sont en bas, qui sont restés dans leur nature. Et cela quand ils voient un parmi les hommes de science de la première catégorie, dire quelque chose qu'ils ne connaissent pas ou ils ne savent pas, parmi les choses qui concernent les croyances ou autres, leur diminution de la science et leur manque de science va faire d'eux qu'ils vont tirer des flèches contre cet homme de science. Ils vont le traiter de tous les maux. Et cela change la nature de la troisième catégorie. Il les détourne du fait d'accepter la vérité avec des fausses paroles. Et ainsi naît la fitna dans la religion. Et ça, ce sont les paroles de Ali ibn Qasim Hansh que rapporte Shawkani dans le Badr al-Tali'. Médite ces paroles à l'islam. Qu'est-ce qui fait tomber la jeunesse? Hein? La jeunesse en France et en Europe dans les ambiguïtés. N'est-ce pas cette catégorie qui se met entre eux et les hommes de science et qui lui coupe des hommes de science? Donc comprends ceci à l'islam. Ne fais pas de ces traducteurs et ceux qui te rapprochent la parole des hommes de science. Ne les mets pas à la parole, ne les mets pas à la place des hommes de science. Tu les gardes dans leur, tu leur donnes leur juste valeur et tu les mets à la place qu'ils méritent. Ne les élève pas. Ne les prends pas comme des hommes de science. Et nous autres traducteurs qui rapprochons les paroles des hommes de science à nos frères et nos sœurs, nous devons aussi reconnaître nos places et ne pas se substituer aux hommes de science. Il faut comprendre, qu'on comprenne ça, que notre fonction c'est tout simplement une liaison saine entre les hommes de science et cette jeunesse qui n'a pas cet outil principal qui est l'arabe. C'est tout. Un point de liaison entre cette jeunesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve et les hommes de science dignes du nom et les paroles des hommes de science dignes du nom. Voilà où doit s'arrêter notre mission. Ibn Hazm rahimahullah dans Siyar wa Akhlaq, il dit: il n'y a pas un grand mal sur les sciences et les gens de science que ceux qui s'immiscent dedans alors qu'ils ne font pas partie des gens de la science. Ce sont des ignorants, ils croient qu'ils savent. Ils font du mal, ils croient qu'ils font de la réforme et qu'ils font du bien. Et certains nombres de sciences ont dit: la science est de trois rampants. Celui qui rentre dans le premier rampant, il devient orgueilleux. Celui qui rentre dans le deuxième rampant, il devient modeste. Et celui qui rentre dans le troisième rampant, il sait qu'il ne sait rien. Et ceci est véridique. Quand tu sais, quand on a ramené les recueils de fatawa à Cheikh Al-Albani rahimahullah, et il a marqué dessus, voilà, j'arrive à l'âge de plus de 80 ans et je m'en rends, et chaque jour qui passe je m'en rends compte de mon ignorance. Il fait trois points et il met un point d'exclamation. Certains nombres de sciences ont dit: si ceux qui ne savent pas se taisent jusqu'à ce que ceux qui savent parlent, la divergence serait terminée. Et fait partie aussi de ceux qui ressemblent, comme le dit Cheikh Mohammed, l'imam, Hafidhahullah ta'ala, dans son détail, fait partie de ceux qui ressemblent, qui veulent être les similaires des hommes de science, c'est ce qu'on appelle les penseurs et les intellectuels. Ces derniers temps, la communauté a été éprouvée à notre époque par ce qu'on appelle les penseurs et les intellectuels. Et bien évidemment, les hommes de science ne sont pas d'accord sur cette appellation, car cette appellation n'est pas conforme à sa définition. Et les penseurs en général n'ont pas de science de la législation musulmane. Ils doivent revenir vers les hommes de science. Et les intellectuels ont des voix, des données de l'islam général. Et en plus, ces données générales sont couvertes de pensées et de points de vue qui sont étrangers à l'islam. Donc il faut faire très attention pour ne pas se faire avoir d'eux. Même si quelqu'un parmi eux, il a touché la vérité dans un point, dans beaucoup de points, il est à côté. Et il y a aussi d'autres qui ressemblent aux hommes de science et qui ne sont pas, ce sont les khotaba et les exhorteurs, ceux qui font les exhortes et les khotaba de Jumu'ah. Ceux-là, ils peuvent, certains ont un impact sur les gens, un impact très fort. Et on les remercie pour cela, comme dit Cheikh Mohammed. Ils remplissent un trou. Mais ils doivent s'arrêter à ça, tout simplement. S'arrêter à cette chose qu'ils maîtrisent et qu'ils savent faire. Ils ne doivent pas se substituer aux hommes de science. Ils doivent reconnaître leur valeur. Et savoir ne pas dépenser les exhortes et les khutbas. Et ne pas se substituer aux hommes de science. Et au domaine des hommes de science. Parmi ceux qui veulent ressembler aux hommes de science, ce sont les écrivains. Et maintenant aussi beaucoup, parmi ceux qui n'ont pas bien maîtrisé la voie des salafs et qui voient que ça marche, ils font de la traduction. Il y a certains que Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, ils le font dignement et comme il se doit, dans le respect des définitions et des choses qu'ils traduisent. Et d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Donc ces écrivains, la communauté et ces traducteurs aussi, la communauté est éprouvée avec eux. Parmi ceux-là, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui écrivent dans les journaux et dans les revues. Il y a ceux qui écrivent ou qui traduisent des épîtres et des rasa'il. Et malheureusement, certains veulent être les Ibn Taymiyyah de leur époque, de notre époque, alors qu'ils n'ont pas le bagage. Et chaque fois qu'il y a un sujet, il s'immisce tout de suite dedans. Et à écrire, à donner leur opinion, et ainsi de suite. Et il a dit, vrai Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit, il va arriver des années qui sont traîtres, où on va prendre comme véridique le menteur, et le menteur comme véridique. Donc ces catégories que j'ai cité ici ont résumé dans les paroles de Cheikh Mohammed. Lui, il n'a pas parlé des traducteurs. Ces catégories se trouvent parmi eux des gens qui vont au-devant et qui prennent la position des hommes de science alors qu'ils n'en sont pas. Même des fois, ils méprisent les hommes de science, ils les dénigrent. Soit directement, soit indirectement. Ils voient qu'ils ne donnent aucune valeur aux hommes de science. Ils doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala et savoir reconnaître la valeur des hommes de science et savoir rester à sa place. Et les traducteurs à ce point-là doivent aussi rester à leur place et ne pas se substituer aux hommes de science. Et ceci est très important. Et maintenant, avec la réplique du Cheikh Rabbi Hafidhahullah Ta'ala. Cette réplique, qui est composée d'un certain nombre de paragraphes, je vais le lire d'abord dans le sommaire certains paragraphes, à chaque fois pour vous, parce qu'il y a des choses sur lesquelles il doit y avoir des éclaircissements avant pour que vous mettiez les choses, les pendules à l'heure. La première chose, c'est l'introduction qu'il a fait, cher. Muqaddima. Le deuxième point, il a traité تمام عام الله تعالى على أمة النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال دينها وحفظه من الضياع. Et aussi, il a suivi cette introduction, fait de nous montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, comment il a comblé de bienfaits cette communauté de Mohammed alayhi salam, en parachevant leur religion et en la préservant. كذلك أمر آخر تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من البدع والتفرق وإخباره بوقوع ذلك في الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم aussi averti sa communauté de l'innovation, de la division, et il a annoncé que ceci va arriver à cette communauté. كذلك الشيخ هذا قيام بين لنا قيام طائفة الناجية المنصورة على امتداد تاريخ الأمة برفع راية الكتاب والسنة دعوة وجهادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. والشيخ إنه مونتر دولي فيكو نزالو ليغ إن شاء الله aujourd'hui comme quoi le groupe sauvé, le groupe victorieux qui est le même depuis l'aube de l'histoire musulmane lève l'étendard du livre et de la sunna. En appelant vers le livre de la sunna et en combattant pour le livre de la sunna, en ordonnant le bien et en blâmant le mal. كذلك الشيخ يبين لنا ظهور طائفة تتاجر بالدين تحارب أهل السنة السلفيين وتجادل عن أهل البدع والضلال بأساليب ماكرة وتحصيلات باطلة. Aussi, le Cheikh de nous montrer comme quoi il y a une catégorie qui fait du commerce avec la religion et qui combat les gens de la sunna, les salafis, et qui polémique pour défendre les gens de l'innovation et de l'égarement avec des ruses et des styles très manigancés et avec des fondements qui sont fausses. كذلك يبين الشيخ أن الدكتور إبراهيم الرحيلي يتصدى لعلاج الفتنة في كتابه النصيحة لكن دون تفريق بين الظالم والمظلوم والغث والسمين. الشيخ في نمونتخي aussi que le docteur Ibrahim Rahili a pris sur lui de remédier la fitna dans son livre Le Conseil, Nasiha. Mais الشيخ de nous dire, sans faire la différence entre eux, celui qui a commis l'injustice et celui qui subit l'injustice. Et sans faire la différence entre eux, le faux et le vrai. يقول الشيخ مناقشة نصيحة الدكتور الرحيلي وبيان ما فيها من قصور وخلل. الشيخ nous dit, après il commence à débattre cette نصيحة du docteur الرحيلي et à montrer combien les lacunes qu'il y a dans cette نصيحة. في ذكر الدكتور الباعث له على تأليف نصيحته. إلى اللي بخون ديريكتومون دو لا و الدكتور الرحيلي سيت لو ليت موتيف اي لو بوين كي اي لا شوز كي لا بوسي ا ايكري سا نصيحه. الشيخ دو دير كان الواجب معرفة أسباب الخلاف الواقع بين الشباب السلفي والمتسببين فيها ثم الصدق صدع بالحق. الشيخ دو رابلي الشيخ إبراهيم الرحيلي كو l'obligation, c'est de connaître les causes de la divergence. Qu'est-ce qui a causé la divergence entre la jeunesse salafi, qu'est-ce qui a causé cette divergence dans laquelle sont tombées la jeunesse salafi et qui en était la cause? Et après, dire haut et fort la vérité et déclarer haut fort la vérité. يقول كذلك كان الواجب التنصيص على أعيان البغاة المعتدين الذين افتعلوا الفتنة وأججوا نارها بأساليب ماكرة. Il était de son devoir aussi de citer les individus injustes qui ont alimenté la fitna et qui ont attisé le feu de la fitna avec leur style, leur très mauvais style et leur mauvaise manigance. يقول الشيخ إن رؤوس الفتنة الفتن هم عدنان عرعور وأبو الحسن المأربي وعلي حسن الحلبي. Et chef de nous dire, et la tête de la fitna ici, entre les salafis, depuis plusieurs années, c'est Adnan al-Aur, Abu al-Hassan al-Ma'ribi et Ali Hassan. Et chef, Bayan ma fi kitabay Jamal Dil Qasimi, Tariq al-Jahmiya, wa Mizan al-Jarh wa al-Tadil, min Balaya wa Makhazi. Et chef va nous montrer. Il va nous éclairer sur les lacunes et sur les grandes erreurs qu'il y a dans les livres de Jamal Dil Qasimi, qui est mort en 1332, l'histoire des Jahmites, ainsi que la balance du Jarh et de la réfutation et de l'éloge. Qu'est-ce qu'il y a comme tawam, comme grande, énorme erreur dans ces livres? Pourquoi, cher, parle ici de Jamal Dil Qasimi? C'est là où je veux en venir pour que tu comprennes l'islam. Et pourquoi Cheikh il cite, puisqu'il fait la réplique à Ibrahim al-Ruhayli, il ne parle de Adnan, Ar'ur, et de Abu al-Hassan, et de Ali Hassan. Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Simplement parce que Ibrahim al-Ruhayli de Sanaha a instauré des règles que le Halabi et les autres utilisent. Et que aussi, ce Cheikh Rabbi, il ne parle, il ne remonte à Jamal Dil Qasimi, c'est parce que ces mêmes règles sont similaires, c'est les règles qu'a instauré Ali Hassan, Ibrahim al-Ruhayli, Adnan Aror. Il y a des choses qui sont similaires dans ce qu'a écrit Jamal Dil Qasimi. Et tout ceci, pourquoi tout cela agit ainsi? Tout simplement pour barrer la route à la jeunesse et mettre une barrière entre eux et les réfutations des hommes de science digne du nom. Et pour faire tomber cette science de la réfutation et de l'éloge. Et pour protéger les innovateurs et leur voix. Inch'Allah, que cela va t'aider dans la suite de ce que tu vas entendre, Inch'Allah. Yaqul al-Sheikh Rabi Hafidhahullah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الله أرسل محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أبخل لون جاء الله. Et la prière sur le messager alayhi salatu salam, et sa noble famille, ainsi que ses nobles compagnons, radouallahu alayhim, il dit, et après, Allah subhanahu wa ta'ala envoie Muhammad, son serviteur et son messager, avec la science bénéfique et la bonne œuvre, pour que la religion de l'islam prenne le dessus sur toutes les autres religions, même si les associateurs le détestent. Détestent que la religion musulmane prenne le dessus, quoi. وأنزل عليه كتابا فيه بيان كل شيء وعلمه السنة وهي الوحي الثاني ليزيد البيان بيانا وتفصيلا وأكمله الدين. Et il a descendu sur ce message عليه الصلاة والسلام un livre qui est l'éclaircissement de toutes choses Et il a appris à ce messager la sunna, qui est la deuxième révélation, pour que, en plus, la situation s'éclarifie encore plus, qu'il y ait plus de détails. Et il a parachevé sa religion. Il a parachevé la religion. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة علما وعملا حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Et ce message عليه الصلاة والسلام a transmis le message comme il se doit et complètement. Il a été digne du dépôt qui lui a été confié. Et il l'a accompli, que ce soit au niveau des œuvres ou au niveau de la science, à tous les niveaux, et il nous a laissé sur une voie claire. Sa nuit et son jour sont identiques. Nous divise de cette voie que quelqu'un qui cherche sa perte. Wa amara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ummatahu bit tabligh. Fa qala sallallahu alayhi wa sallam ala li yuballigh shahidu minkum al ghaib. Akhrajahu al Bukhari wa Muslim. Et il a ordonné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à transmettre. Et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à sa communauté de transmettre. Et il a dit que le présent parmi eux transmet à l'absent, comme il est rapporté chez l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. فقام صحابته الكرام الأوفياء بتبليغ هذه الرسالة الكريمة على أكمل الوجوه كتابا وسنة وعلما وعملا وجهادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. Et ses nobles compagnons, رضوان الله عليهم, ces dînes ont accompli cette risala, cette noble risala comme il se doit, de la meilleure des façons. Livre et sunna, science et mise en pratique. Combat et en ordonnant le bien, combat sur le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala et ordonnant le bien et blâmant le mal. وهكذا فعل التابعون لهم بإحسان وتابعوهم من أهل السنة وأئمة الهدى. Et ainsi ont fait ceux qui les ont suivis à la perfection et ceux qui leur ont succédé parmi les gens de la sunna et les imams de la guidée et de la science. ومما تضمنته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Il fait partie des choses que contient la risala et le message de Mohammed alayhi salatu wasalam, c'est le fait d'ordonner le bras, d'ordonner le bien et de blâmer le mal. Et entre parenthèses, fait partie du fait de répliquer aux divergents et de montrer les divergences des choses du blâme du mal à l'islam. ومن أنكر المنكرات الابتداع في الدين بمخالفة هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. Et parmi les grandes choses blâmables, c'est le fait d'innover dans la religion et d'être en divergence avec la voie et la guidance de Mohammed عليه الصلاة والسلام et ses nobles et ses خلفاء bien guidés. وقد أخبرنا الرسول الصادق الأمين بما سيحدث بعده من الابتداع والاختلاف والتفرق في الدين فقال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. Et الرسول صلى الله عليه وسلم ce véridique, ce digne de confiance عليه الصلاة والسلام nous a parlé de ce qui va arriver après lui. Il nous a parlé des innovations qui vont arriver, des divergences qui vont avoir lieu, de la division dans la religion عليه الصلاة والسلام. Et il a dit dans ce hadith rapporté par l'imam Ahmad et par Abu Daoud et par Tirmidhi et d'autres, hein, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Cramponnez-vous à ma voix et la voix des khalifs bien guidés. Et mordez dessus. Cramponnez-vous à cette voix et mordez dessus avec vos molaires. Et faites attention à toute nouveauté dans les situations. Ici, la religion. Car toute nouveauté est une innovation et toute innovation est un égarement. Ce hadith prouve la véracité de ce messager alayhi salatu wassalam. Les choses sont arrivées comme il les a annoncées. Et la voix du messager alayhi salatu wassalam, akhal islam, fait partie de cette voix, c'est le fait de blâmer le mal et de répliquer aux divergents. comme il l'a fait le messager alayhi salatu wassalam, et comme l'ont fait les nobles compagnons ridwanullah alayhim, et à leur tête les khalifs bien guidés. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته وشد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أخرجه إمام مسلم رحمه الله تعالى. وهذا وذاك يدل على خطورة البدع وشناعتها وضررها. Et le messager عليه الصلاة والسلام, quand il faisait la khutba, ses yeux devenaient rouges, sa voix s'élève très forte, et hein, sa colère augmente, comme si c'est un avertisseur d'armée qui est venu pour annoncer l'ennemi aux gens. Et il disait dans sa khutba, j'étais envoyé, il y a entre moi et l'heure, tout simplement la différence en collant son index à son majeur, tout simplement la distance qu'il y a entre eux, la distance de longueur qu'il y a entre l'index et le majeur. C'est-à-dire entre son envoi et la résurrection, et le jour de la résurrection, hein, il y a tout simplement ce temps-là, cette distance qu'il y a entre hein, l'index et le majeur. Et il disait, la meilleure des paroles étant la parole d'Allah, et la meilleure des guidances étant la guidance de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses, ce sont les nouveautés. Et toute innovation est un égarement, comme il est rapporté par l'imam muslim. Ce hadith et l'autre, tout prouve quoi? Comme dit Cheikh ici, Abdallah, te prouve le danger de l'innovation et le mal que draine l'innovation et qui découle de l'innovation. ومن أقوال الرسول الكريم الناصح الأمين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Il fait partie des paroles de ce noble messager عليه الصلاة والسلام qui le conseiller digne du conseil, celui qui innove dans notre religion quelque chose qui n'en fait pas partie, il lui sera rejeté, rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim. Et celui qui œuvre une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre ordre, il lui sera rejeté, rapporté par l'imam Muslim. Wa akhbara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anna hadhi al-umma sataftariqu ila 73 firqa kulluha fi an-nar إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية هي الجماعة. أخرجه الإمام أحمد. الرسول صلى الله عليه وسلم nous a annoncé que cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous au feu de l'enfer sauf une. Ils ont dit si laquelle? C'est qui ceux-là qui vont être épargnés du feu de l'enfer, يا رسول الله؟ Il a dit ceux qui sont sur la même voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons. Et dans une autre version, c'est le groupe. Et le groupe, entre parenthèses, c'est ce qu'il a dit Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu wa arda, c'est la vérité, c'est toi seul si tu es sur la vérité. Donc là, le groupe, c'est la vérité. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الرسول صلى الله عليه وسلم نزدك تو بروفيت qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé dans sa communauté avant moi, il était de son devoir d'avertir et il avait des compagnons hein, qui mettaient sa sunna et qui prenaient son chemin, qui le prenaient comme modèle, qui mettaient en application ses ordres. Et après eux, après ces compagnons de ces prophètes, arrive une génération qui disent, arrivent des générations qui disent ce qu'ils ne font pas et qui font des choses qui leur ont pas été ordonnées. Celui qui les combat avec sa main et les croyants, celui qui les combat avec sa langue et les croyants, celui qui les combat avec son cœur et les croyants. Et derrière ça, il n'y a pas un atome de voix. وقال صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire le plus bas degré de la foi, c'est le fait de blâmer et de faire le combat avec son cœur. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Le Rasoul صلى الله عليه وسلم dans ce hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim dit, restera une fraction de ma communauté, regarde, une fraction, c'est-à-dire un petit groupe de ma communauté, apparent et accroché à la vérité, peu importe ceux de l'intérieur qui vont les faire faiblir et les détourner et vouloir les détourner de la vérité, jusqu'à ce qu'arrive leur Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront ainsi, c'est-à-dire sur la vérité. J'ouvre une parenthèse de juste. Cette parole du prophète alayhi salam prouve quoi? Prouve que ce groupe existera en tout lieu, en tout temps, jusqu'à la fin des temps, et la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce groupe qui porte la vérité et qui défend la vérité, peu importe qui arrive, restera, existera dans la communauté, akhi. Parce que c'est la parole du messager alayhi salam. Il est le véridique qui n'a dit que la vérité. يقول حفظه الله فقامت هذه الفرقة الناجية المنصورة برفع راية الكتاب والسنة دعوة وجهادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ومن ذلك ذبهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفريق بين الهدى والضلال والحق والباطل وبيان أهل الحق وموالاتهم وبيان أهل الباطل من الفرق الضالة فرقة فرقة وبيان فساد عقائدهم ومناهجهم والتحذير منهم بالحجج والبراهين في مؤلفات كثيرة شهيرة يعرفها العلماء وطلاب العلم. Il dit حفظه الله تعالى. Et ce groupe sauvé, ce groupe victorieux qui est le même à porter l'étendard du livre et de la sunna. Hein? En appelant vers le livre de la sunna et en combattant pour le livre ou la sunna et en ordonnant le bien, en blâmant le mal. Et fait partie de ça, le fait de défendre le livre d'Allah et la sunna du messager alayhi salam et de faire la séparation entre la guidance et l'égarement et entre la vérité et le faux et montrer les gens de la vérité, et s'allier avec les gens de la vérité, et montrer les gens du faux parmi les groupes égarés, groupe après groupe, ils les ont dévoilés. Et ils ont montré le faux dans leurs croyances, dans leurs voies, et ils ont averti contre eux avec les preuves. Dans beaucoup de livres qui sont réputés, que les hommes de science connaissent ces livres, ainsi que les demandeurs de science. Yaqul, واستمر الصراع بين أهل السنة والحق وبين أهل البدع والضلال إلى يومنا هذا. Il dit, et le combat entre les gens de la sunna, entre le vrai, entre les gens de la sunna et de la vérité, et entre les gens de l'égarement et de l'innovation, le combat il est jusqu'à nos jours. مؤلف أهل السنة المؤلفات في بيان أهل البدع والضلال وبدعهم وضلالاتهم قياما بواجب النصح للمسلمين وحماية وذبا عن الدين مما أوهن أهل الضلال وكسر شوكتهم وبصر الناس بضلالهم وضلال عقائدهم ومناهجهم. Les gens de la sunna écrivent des livres pour éclairer les gens sur les gens de l'innovation et de l'égarement, et sur leurs innovations, sur leurs égarements, accomplissant le devoir du conseil pour les musulmans, et protégeant la religion d'Allah. C'est ce qui a fait faiblir les gens de l'égarement, et qui a cassé leur force, et qui a donné la clairvoyance aux gens, et qui a montré aux gens le faux, et qui a éclairé les gens sur les égarements de ces égarés, et sur les égarements de leur, et sur leurs mauvaises croyances, leurs mauvaises voix. يقول الشيخ فلم يعجب هذا الجهاد فئة ممن يتاجر بالدين ويشتري بآيات الله ودينه ثمنا قليلا فتصدوا لحرب أهل السنة بأساليب ماكرة. بأساليب ماكرة يخجل منها أهل البدع والضلال من الكذب والتلاعب بالكلام والتأصيلات الباطلة المناهضة لأصول أهل السنة ومناهجهم دفاعا عن أهل الضلال وادعاءات لهم بأنهم من أهل السنة وحربا لأهل السنة والحق بل وطعنا فيهم وتشويها لهم. Et ceci n'a pas été pour plaire. Hein? Ce combat sur le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pour plaire à certaines catégories qui font du commerce avec la religion et qui vendent les versets de Allah subhanahu wa ta'ala et la religion de Allah subhanahu wa ta'ala à vil prix. Et donc ces gens-là se sont attaqués et ont déclaré la guerre aux gens de la sunna avec des ruses et des cils, hein, et des manigances. Même les gens de l'innovation et de l'égarement ont honte, hein, et ils se sont attaqués, ils ont attisé cette guerre avec du mensonge et en jouant avec les paroles et en instaurant des règles, des fausses règles qui sont en contradiction avec les fondements des gens de la sunna et avec la voix des gens de la sunna. Tout ceci, ils l'ont fait pour défendre les gens de l'égarement, prétendant ainsi que les gens de l'égarement font partie des gens de la sunna. Et tout ceci, ils le font par guerre aux gens de la vérité et par eux aux gens de la sunna, en dénigrant les gens de la sunna et en défigurant leur image chez les gens. فيقول الشيخ فأتوا بما لم يستطعوا أهل البدع مما أفرح أهل البدع وجعلهم يقدمون لهم الأموال طائلة ليستمروا في حرب أهل السنة فاستمروا في هذه الحرب الظالمة إلى أن وصل بهم الحال إلى الدفاع عن دعاة وحدة الأديان وأخوة الأديان وحرية الأديان إلى آخره وإلى تلميع المذاهب ونفي الغلو والتطرف عنها بما فيها مذاهب الروافض والخوارج والصوفية. Il dit Hafidhahullah Ta'ala, et ces gens-là qui ont attaqué, hein, qui ont attisé cette fitna, qui ont attaqué les gens de la sunna, qui ont déclaré la guerre, ils ont ramené des choses, hein, et des mensonges contre les gens de la sunna que les innovateurs n'ont pas pu faire. Ce qui a fait réjouir les innovateurs et les gens de l'innovation. Et ils leur ont donné des sommes colossales d'argent pour qu'ils continuent à faire la guerre aux gens de la sunna. Ils ont continué cette guerre injuste, et la situation est arrivée pour certains à défendre les prêcheurs de l'unicité de la religion et à défendre ceux qui prêchent la fraternité des religions et la liberté des religions, etc. Et à embellir les voies et à innocenter les groupes égarés de l'extrémisme. Et parmi ces groupes qu'ils innocentent, il y a le Rawafid, il y a le Khawarij, il y a le Sofia, et ainsi de suite. Hein? Et j'ouvre une parenthèse, Abul Hassan leur a ouvert une voie très large, qui est large à tout le monde. Il a fait rentrer dedans tout le monde. Et à tel point, tu vois la chaîne Rahma, et ça c'est, tu le trouves sur YouTube, hein, dans cette chaîne Rahma, dans laquelle s'installe Abu Ishaq, que défend Ali Hassan et Mohamed Hassan, etc. Bah dans cette chaîne, on insulte Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Et ils n'ont pas bougé le doigt. Ni Abu Ishaq, ni Mohamed Hassan, ni celui qui les défend, qui est Ali Hassan et les autres. Abadan akhal Islam. Mais contre les gens de la Sunna, la guerre. Contre celui qui porte l'étendard de la réfutation et de l'éloge, le dénigrement. Contre Cheikh Obaid, contre Hafidhahullah, contre Cheikh Mohamed ibn Hadi, et ainsi de suite. Et je reviens à l'écrit de Cheikh Hafidhahullah Ta'ala. يقول في الوقت الذي يرمون فيه على السنة بالغلو والشدود والتشدد إلى طعون أخرى. C'est-à-dire, alors qu'à ce moment-là, on est en doux, on embellissant l'image de l'égarement et des égarés, des groupes égarés, en même temps, ils dénigrent les hommes de la sunna et ils disent des hommes de la sunna que ce sont eux les extrémistes, que ce sont des marginaux et ainsi de suite, et qu'ils sont très durs. يقول الشيخ وتصدى لعلاج هذه الفتنة أهل السنة وتصدى لعلاج هذه الفتنة الكبيرة الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي في رسالته التي سماها بالنصيحة فيما يجب مراعاته عند الاختلاف وضوابط هجر المخالف والرد عليه فكبى به جواده فلم تكن نصيحته واضحة فلم يفرق فيها بين الظالم والمظلوم ولم يبين الغث من السمين مع كثرة ضوابطه التي لا يستفيد منها إلا الظالم المخالف المسعر لهذه الفتنة التي تصدى لعلاجها الدكتور إبراهيم. Il dit, ici mis en avant, hein, et Cheikh Ibrahim al-Ruhayli ici mis en avant, pour remédier à cette grande fitna, dans sa risala qu'il a appelée Nasiha, hein, dans les points qu'il faut prendre en considération au moment de la divergence et les règles concernant le fait de mettre à la quarantaine celui qui est en divergence et le fait de lui répliquer. Mais son cheval l'a fait tomber. Et cette nasiha n'a pas été claire. Il n'a pas fait la différence dans cette nasiha entre le juste et l'injuste. Il n'a pas montré le faux et le vrai dans cette nasiha. Alors que les règles sont nombreuses. Et ces règles ne profitent de ces règles que les injustes qui sont en divergence et qui attisent cette fitna à laquelle s'est attaqué un دكتور رحيلي بغيغو ميديي. يقول الشيخ حفظه الله ومن هنا استاء منها أهل السنة الفطناء واحتفى بها أهل الباطل والفتنة العمياء. دي بارتون دو لا لي جون دو لا سنة دو دو كليرفويونس او ايتي مال دوفون سيت نصيحة اي لون تروفي تري موفيز اي ايتي ايفيي او مال كي يا دودون مي سو كي اون اكويي اون بيان cette nasiha, ce sont les gens du faux et les gens de la fitna aveugle. C'est eux qui l'ont accueilli. يقول فاضطررت إلى مناقشة هذه النصيحة وبيان ما فيها من قصور وخلل نصرة للحق ونصحا لكاتبها ونصحا للإسلام والمسلمين. Il dit حفظه الله تعالى j'étais obligé étudier, de débattre cette nasiha et de montrer les lacunes et les failles qu'il y a dans cette nasiha pour faire triompher la vérité et pour conseiller celui qui l'a écrit et pour conseiller, je l'ai accompli comme conseil aussi pour l'islam et pour les musulmans. Yaqulu في ختام هذه المقدمة أسأل الله أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع بها المحقين والمخالفين إن ربي لسميع الدعاء. Il dit حفظه الله تعالى après nous avoir expliqué pourquoi il a écrit ce rad, il dit je demande à Allah سبحانه وتعالى que cette œuvre soit sincère pour lui et que cette œuvre soit véridique, soit bénéfique pour ceux qui sont dans la vérité et pour ceux qui sont en divergence avec la vérité, et mon sevrin entend les dua. Et nous aussi nous allons arrêter là car il y a Adhan du Maghreb qui vient de faire l'Adhan chez nous, donc l'heure du Maghreb est arrivée. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahumma wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum wa jazakum.